Bassa Rossila, au vu des images que nous propose à l'instant la réalisation, est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle manche de ce combat du peuple malien contre l'Occident est engagée? Oui, vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? On vous reçoit parfaitement, Daouda Bakary. Ok. Bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les téléspectateurs en Afrique. Par rapport à cette situation aujourd'hui qui se répète, je dirais que c'est une situation qui se répète chaque année, à chaque fois qu'il y a quand même une envie de renouvellement des mandats de l'aménagement au Mali, il y a des attaques qui se multiplient chaque année, cela fait plus de 5 ou 6 ans comme ça. À chaque année, à partir du mois de mars, mois de mai, avril, il y a déjà des attaques. On a même l'impression que ce sont vraiment des planifications professionnelles, des planifications militaro-professionnelles pour vraiment enchaîner des attaques partout au Mali. Donc, c'est pour cela aujourd'hui que la population est vraiment réticente par rapport à ces multiples attaques à la veille du renouvellement du mandat de l'aménagement. Demande maintenant qu'il faut, il demande le départ de l'aménagement. L'aménagement aujourd'hui est devenu vraiment un instrument humanitaire et militaire. Et partout au Mali, quand tu poses la question aujourd'hui, quand les gens posent la question sur les statuts, les interventions de l'aménagement, la plupart de ces interventions sont actées sur les statuts de l'aménagement. Donc, c'est pour cela que chaque année, nous avons remarqué que lors de la question du mouvement des mandats de l'aménagement, la population demande vraiment des justifications, c'est-à-dire que par rapport aux activités, aux interventions de l'aménagement. Mais il n'y a pas eu vraiment de gain de cause. Les militaires sont tués même souvent à quelques encablures des camps de l'aménagement. Donc, le peuple se demande aujourd'hui quel est vraiment le rôle de l'aménagement, quelle est son importance au Mali et pourquoi l'aménagement n'assiste même pas aux populations vraiment qui sont sous le feu des attaques terroristes. Donc, le peuple décide désormais vraiment à revendiquer le départ de l'aménagement. D'autres même demandent vraiment qu'il ne faut pas vraiment renouveler le mandat de l'aménagement cette année. C'est pour cela que les voix s'élèvent pour vraiment demander le départ de l'aménagement partout. Même les hameaux aujourd'hui, dans les hameaux des fractions, c'est-à-dire que sur toute l'étendue du territoire national de la République du Mali, les gens sont maintenant réticents par rapport vraiment à ce que l'aménagement est en train de faire par rapport à des négligences, par rapport, c'est-à-dire que à des réactions de terroristes, par exemple. Quand on prend l'attaque de Sévaré la semaine dernière, il y a un camp de l'aménagement à Sévaré dans la zone de l'aéroport de Sévaré. Mais malgré cela, personne n'a pu vraiment donner le renseignement, ni encore à l'armée malienne, ni encore à d'autres forces qui sont sur place. Donc, quelle est l'importance de l'aménagement? Les gens se posent vraiment aujourd'hui. Les interrogations continuent d'être vraiment soulevées partout dans les salon pétrole de Bamako. C'est pour cela aujourd'hui que les jeunes sont mobilisés aujourd'hui pour dire vraiment non à l'aménagement. Il faut vraiment retirer l'aménagement sur la terre du Mali. Première intervention, au vu de ces images et au vu de ce qui a l'habitude de se passer du côté de l'ONU où ces missions sont très souvent renouvelées, si jamais la mission de la MINUSMA est donc renouvelée du côté du Mali, est-ce qu'on peut s'attendre à des manifestations plus fortes que celles-ci? Oui, j'ai l'impression que c'est désormais un combat qui est déclenché par le peuple malien. Il y a quand même que certains activistes de la place qui n'ont cessé vraiment de réclamer le retour de la France, n'ont cessé vraiment de dénoncer le départ de la France. Aujourd'hui, nous avons l'impression que cet mouvement qui est là aujourd'hui est dirigé par des officiers français. La plupart vraiment des responsables de l'mouvement sont composés vraiment des éléments de l'armée française. Et des officiers tutoriels de l'armée française qui sont là aujourd'hui à pousser vraiment à mettre en place des rapports et même aller vraiment au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dévoiler des rapports qui sont considérés par les autorités maliennes comme des rapports biaisés. Aujourd'hui, l'aménagement est parfaitement composé des officiers français et c'est ce que le Mali dénonce. C'est ce que le peuple malien dénonce. L'aménagement aujourd'hui, qui est là, ce n'est pas l'aménagement des Nations Unies, c'est l'aménagement de la France, selon plusieurs observateurs. Par exemple, on ne peut pas comprendre que l'aménagement aujourd'hui est afghane, à chaque fois que l'armée malienne veut faire quelque chose, il y a des sons qui s'élèvent pour dire vraiment que il faut vraiment que le Mali se mette à côté sur sa propre terre. Le territoire de Kidal appartient à l'État du Mali. Kidal appartient à l'État du Mali et restera vraiment à la disposition de l'État du Mali. Et les frères de Kidal, ce sont nos frères, ce sont nos grands-pères, ce sont nos grands-mères, ce sont nos grands-sœurs, ce sont nos grands-frères, ce sont nos petits-frères, et ainsi de suite. Ce sont nos frères. Kidal fait partie du Mali. Ce que la MINUSMA, c'est ce que la MINUSMA doit comprendre. Mais la MINUSMA des Nations Unies, si jamais la MINUSMA des Nations Unies fait son travail, c'est cette MINUSMA qu'on va vraiment respecter. Mais le Mali aujourd'hui en a marre de la MINUSMA de la France. Voilà où se trouve le problème aujourd'hui. Auparavant, les gens ont essayé un peu de négliger la situation de la MINUSMA. Mais chaque année, à partir du mois de mai, nous avons l'impression que ces gens, au moins, essayent de multiplier des attaques terroristes coordonnées, contre le Mali. Et après, ils vont aller demander au Conseil de sécurité des Nations Unies, voilà, il y a eu des attaques à Sébaré, il y a eu des attaques à Moudia, il y a ça, il y a ce qui se passe. Et du coup, la communauté internationale voit maintenant l'importance vraiment de renouveler le mandat de l'administration. Et là, cela fait plus de 6 ans aujourd'hui qu'on voit ces mêmes films. Et les films ne changent pas. Voilà pourquoi les peuples aujourd'hui s'élèvent contre ces pratiques de la communauté internationale dont leur mandataire n'est d'autre que l'administration. Voilà comment se passe un peu le combat au Mali. Et le peuple reste déterminé pour mener ce combat. Voilà. Merci à vous, cher ami Daouda Bakary Koné. Afrique Média, le monde, c'est nous.